Bismillahir Rahmanir Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter Durusul Madina, Al-Juzuthani, les cours de Médine, tome 2, une suite de cours donnée par le frère Khalil Al-Martiniki, Hafidhullahu Ta'ala, au sein du centre d'études islamiques Darul Hadith Salafiyyat Bidammaj, au Yémen. Cours numéro 5. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه ومن اتبعهم بالإحسان إلى يوم الدين أما بعد نكاروجي ليكزارسيس درس رابع أولا الأسئلة كيستيون أجيب عن الأسئلة الآتية أين ذهب أبو إبراهيم وي تالي لو بير إبراهيم ذهب إلى السوق نعم il est parti au souk. Wa aina dhahabat ummuhu? Et où est partie sa mère? Dhahabat ila khalatuhu khalatuhu Zainab. Dhahabat ila khaltuhu. La majrur ila khalatihi. Zainab. نعم. ثالثا متى رجع ابراهيم من المدرسه? Quand est-ce que Ibrahim est revenu de l'école? رجع بعد الحصة Il est parti, il est revenu après la première session. Thaniyan, d'or a dit l'alamat, elle khat amam jumel est sahiha, ou a dit l'alamat, est salib amam jumel rail sahiha. Ibrahimu ibn Urti Yusuf. Sahih. Sahih? Non. إنه قال يا خالي. إنه قال يا خالي. نعم. طيب. يوسف عم إبراهيم. خطأ. نعم وخاله. تسمونك ما تعمل. أخوات إبراهيم ذهبنا إلى المكتبة. Les sœurs d'Ibrahim sont allées à la bibliothèque. خطأ. نعم. أين ذهبنا؟ إخوات إبراهيم ذهبوا إلى الجامعة. Les frères d'Ibrahim sont allés à l'université. صحيح. نعم صحيح. ما ذهب إبراهيم إلى الطبيب. إبراهيم n'a pas été chez le docteur. خطأ. ذهب إليه. Et on avait dit quoi également? خلاص. فقط ما كسر الدرس. طيب. كيف ننفي فعلا ماضيا كما في النيجاسيون في الفعل الماضي مثلا ذهب محمد محمد est parti comment tu dis محمد n'est pas parti ما ذهب محمد نعم ما ذهب محمد et également on a pris une autre sœur de Inna ما هي Anna Anna نعم et on avait dit quoi c'est quoi la différence entre Anna et Inna Inna vient en début de phrase et Anna en milieu de phrase. Non. Et par contre, on dirait li Anna. Li Anna. Ah, avec Fajar. Li Anna ni Marid, ma semaine. Parce que. Non, parce que. Yati Jawaben Issouel, li Maza. Il viendra en réponse d'une question débutant par pourquoi. Li Maza, Anta Daif, pourquoi es-tu faible? Takul, li Anna ni Marid, parce que je suis malade. Et bien sûr, on a dit Anna fonctionne comme Inna. Elle a un ism qui vient après et un khabar. Et lorsque c'est un domir, il se yakun domiran muttasilan. C'est un domir muttasil. Taïb, notre rôle fait d'ers et khamis. Voilà d'ers. Ou est à l'abbi al-maf'ouli bi. Au moment. Taïb, Anna s'accorde le mudarris. وانت الطلاب حامد علي هاشم الى غير ذلك تمام طيب من فتح باب الفصل كي a ouvert la porte de la classe انا فتحته حامد دي c'est moi qui l'ai ouverte ومن فتح النوافذ et qui a ouvert les fenêtres انا فتحتها علي دي c'est moi qui les ai ouvertes من كسر هذا المكتب أنت كسرته يا هاشم كي أكسي سبيغو استوى كي لكسي أو هاشم لا إني ما كسرته هاشم يدي نو ce n'est pas moi qui l'ai cassé ou Serge je n'ai pas cassé أرجع زكريا وحمزة وعثمان من مكة est-ce que زكريا يا حمزة يا عثمان sont revenus de مكة لا ما رجعوا Hamid, Ekoul, non, ils ne sont pas revenus. Zid Abbes, écran. Ya Oustad, kharaj al-tullabu, al-joudoudou, wa dahabu ila al-moudiri. Non, donc Abbes, Ekoul, oh professeur, les élèves sont sortis, les nouveaux élèves sont sortis et sont allés chez le directeur. مدرس يقول أفهمت الدرس يا طلحة أتي كومبري لو كور أو طلحة نعم فهمته جيدا طلحة يقول وي جو لي تري بيان كومبري المدرس أكتبت الأجوبة يا فيصل دونك أتي إكري لي ريبونس أو فيصل لا ما كتبتها فيصل يدي نو جو نيزي با إكريت لماذا بوركوا لأنني ما فهمت الأسئلة فهي لا ما فهمت الأسئلة. تو. ما فهمت الأسئلة. نعم. فيصل يقول، parce que je n'ai pas compris les questions. المدرس. أحفظت سورة الفجر يا إبراهيم. As-tu mémorisé la sourate du Fajr ou Ibrahim؟ نعم حفظتها. لا. حفظتها وحفظت سورة. حفظ. وحفظت سورة التين أيضا. نعم. Il dit oui, je l'ai mémorisé ainsi que Surat Tin, pareillement, aussi. Dans le Ders, là, il n'apparaît pas de mots nouveaux. Tous, on les connaît. C'est surtout construit sur des ahkam, sur des règles. Et ces règles se rapportent au mafoul bihi, comme cela va venir, Inch'Allah. Al-As'ila, al-Oula, al-Qadrib, al-Awel, wa thani, fil bayt. طيب يقول كما قلت لك الآن سدرس سرابورت مفعول به المفعول به سي ان اسم كي منصوب parmi les اسماء المنصوبة et c'est celui sur lequel tombe l'action voyez sur lequel se rapporte l'action et en français ils appellent ça le complément d'objet direct le COD et il est منصوب il est pas marfou Il n'est pas majrour, il est mansoub. C'est-à-dire, soit avec une fatha, ce qui est l'origine, ou avec d'autres choses comme cela viendra plus tard. Yakul, ta'ammel el amsilat el atiya. Médite les exemples suivants. Yakul Nusselen el Qur'an. Taïeb Qur'an, là il est quoi Qur'an, marfou. Qara'a el talibu el Qur'an. Taïeb. Donc là c'est l'étudiant a lu ou a récité le Qur'an. Donc là, le Coran dans cette phrase-là, Qara'a al-Talibu al-Qur'ana. Qara'a, ça c'est un fi'al, mardi. Vous voyez, c'est un fi'al, un verbe au passé. Al-Talibu al-Fa'il. Vous voyez, c'est un sujet. Wa huwa marfou'. Wa al-Qur'ana, huna, Qur'an, il est maf'oul bihi. Vous voyez, l'action, on l'a lu sur lui. Donc il est mansoub, avec une fatha. Autre exemple, al-Kahwatu. Le café. Kahwa, c'est café. Yakul, shariba ad-daifu el-kahwata. Donc, l'invité a bu le café. Shariba ad-afi al-mardi. C'est un verbe passé. Ad-daifu ad-afi'il. C'est le verbe, le sujet à fond. Il est mal fort. Pour kahwata, una wa mada, mafurun bi. Ça y est, mafurun bi. Troisième exemple. الدرسو كتب المدرس الدرس طيب دونك لانسيغنون لو بروفيسور ا ايكري لو كور دونك كتب فعل ماضي لو باسي المدرس فاعل سي لو سوجي وهو مرفوع الدرس مفعول به منصوب كاتريم اكزومبل الباب فتحت Aminatu al-baba. Amina a ouvert la porte. A ouvert la porte. Donc fatahat ada fi'l madi. Au bel fatah fi'l madi. Et ta, on a dit c'est quoi ta? Ta tanis as-sakina. C'est un harf qui démontre que le fa'il est au féminin. Comme cela vient après, Amina, c'est le fa'il. Amina, c'est le fa'il. Sujet et le malfoua. Wal baba mafoulun bihi. Donc en dessous, après, tu as fait un khulasa de ce qu'on vient de dire. Wa alaykoum as-salam. Avec Qura'a, al-Talib ou al-Qur'an. Tayyib, Qura'a, fi'il. Al-fa'il, c'est Talib. Ou al-Qur'an, mafoulun bihi. رابعا نقول عين الفاعل ومفعول به في الجمل الآتية ذو خط واحد تحت الفاعل وخطين تحت المفعول به واشكل آخر كل منهما. Donc il dit quoi? De définir, désigner, de définir où est le mafoul bihi dans ces phrases suivantes. طيب. Et de mettre un trait en dessous du fa'il et deux traits en dessous du mafoul bihi. Et de mettre les harakat, c'est-à-dire de mettre les harakat qui correspondent. Là, je regarde. Ça, on va le faire maintenant, Inch'Allah. Toi, tu lis la phrase entièrement et tu mets les harakat et à la fin, tu me dis chaque chose quelle est-elle. كسر الطفل القلم. نعم. Donc l'enfant a cassé le stylo. كسر الفعل. نعم. الطفل الفاعل والقلم المفعول به. نعم. أحسنت. غسلت آمينة المنديلة. نعم. آمينة a lavé le mouchoir ou la serviette. Donc غسلت c'est le fi'l. نعم. آمينة c'est le fa'il والمنديلة c'est le مفعول به. نعم. أكل أسامة. أكل أسامة العنب. العنب. العنب. إيش الحركة؟ عنب. عنب. الحركة. أيوة كل حركة عنب. شيء مفتوح. كسر أسامة. أكل. العنبة. أيوة. هذا ما فهمت. العنبة وأكلت زوجته. Non. Donc Oussama a mangé le raisin et sa femme a mangé la banane. Akala, c'est le fi'l. Non. Oussama, c'est le fa'il. Non. Al-inaba, maf'oul bihi. Non. Waouh, ça là ici, waouh, ça s'appelle harf ataf. C'est une conjonction de coordination, c'est-à-dire c'est et quoi. Wa akalat fi'l, zawjatuhu fa'il, al-mawza. نعم. رابعا شربت البقرة الماء. اقرأ واصلا. شربت البقرة الماء. عيد. شربت الحركات. شربت بقرة الماء. شربت. أيوة. شربت البقرة الماء. نعم. Donc la vache a bu l'eau. C'est شربت. شربت. نعم كسر الراء. طيب. Pourquoi ils ont mis Ouais, j'allais te poser la question. Cette casserole, c'est quoi? Bah, ils ont mis une soukoune et une casserole. Ah ouais, pourquoi? Il y a un cause derrière, il y a une raison. C'est pour montrer que c'est au féminin, non? Non. Charibati. Ils ont voulu te faire montrer que l'origine, c'est soukoune. Charibat. Tanisakina. Seulement là, quand tu fais la liaison, avec Alifoulem derrière, t'as Eltika Sakinein. T'as une rencontre entre deux lettres Sakin. Donc tu dis Shadibati Bakara. Shadibati Bakara tout. Quand tu lis assemblé, tu dis Shadibati Bakara. Et quand tu t'arrêtes, tu dis Sharibat al Bakara. Mais la vraie voyelle, c'est le Sukun. Non. Sharibati Bakara tout. Sharibati, donc c'est fi'l. Al-Bakara tout. فاعل الماء المفعول به. نعم. خامسا حفظ حمزة القرآن. حمزة ميموريزي القرآن. حفظ فعل حمزة. نعم. الفاعل القرآن مفعول به. نعم. سادسا ضربت فاطمة بنتها. لا. بناتها. لا. Regarde bien. Et n'oublie pas ce quadrice. بنتها. بنتها. بنتها. Donc Fatima a frappé sa fille. Alors, ضربت فيها فاطمة الفاعل بنتها المفعول به. نعم. بل بنت مفعول به ومضاف وها مضاف إليه. نعم. تفضل. قتل الرجل الحية تا. الحية بالحجار. نعم. Donc l'homme a tué le serpent avec une pierre. نعم حيا هنا سي ثعبان سيربون. قتل في رجل فاعل الحية مفعول به. نعم. بي حرف جر. نعم. والحجر مش مجرور. ثامنا سمع بلال الأذان وذهب إلى المسجد. Alors, Samia Fial, Bilal Fial. Attends, enfin, on a traduit. Bilal a entendu l'Adhan et s'en est allé à la Masjid. Alors, Samia Fial, Bilal Fial, Al-Adhan Maf'ud Bihi. Dahaba Fial. Aïe, ouais. Il a. Tabi. Tabi. Kullu Fial in Lahu Fial. كل فعل له فاعل اين فاعل ذهب بلال بلال لا قلنا ان الفاعل ما ياتي الى الضارب ايوه الى il est on l'entend pas il est très on l'entend pas on voit pas on l'écrit pas il est il agit ايوه ما اسمه Mudamir, la Moustatir, dissimulé. Takdiru, Houa, sous-entendu, Houa. Et Houa, il revient à qui? À Bilal. Non, il revient à Bilal. Taïeb. Thumma, il a. Hafjar. Non. Masjidi, Ismajro. Non. Taïeb. Ça, c'est la version du pays d'islam. Samia Bilaloun, el Adana, wa Zahab el Masjid. La version française, c'est Zahab Bilaloun, le Masjid, wa Samia al Adana. Parce que l'Aden en France, on n'entend pas. C'est quand tu arrives au Mosdite que tu entends l'Aden, si tu arrives à l'heure. Si tu arrives à l'heure. Non. Comme il y a des bouchons. Non. T'as dit, t'as Sian. Alors, كتب المدرس الدرس على سبورتي. Ça. سبورتي. Non. Donc, le مدرس, l'enseignant, écrit le cours sur le tableau. كتب فعل المدرس فاعل الدرس مفعول به على حرف الجر سبورتي اسم مجرور نعم عاشرا فتح البقال بقال البقال الدكان في ساعتي الثامنة في الساعة الثامنة نعم donc l'épicier a ouvert le magasin ou le magasin à 8h. فتح فعل نعم البقال فاعل نعم الدكان مفعول به نعم في حرف جر الساعة اسم مجرور الثامنة معروف نعت نعم نعت طيب مفهوم أحسنت خامسا أكمل الجمل الآتية بكلمات مناسبة وضبطها بالشكل Donc il a dit, là il faut que tu mettes un mot qui correspond dans les trous et tu mettes la harakat qui correspond. Donc ça, Inch'Allah, ça yakoun fil bayti. A toi de trouver, Inch'Allah, une incha'ik de toi-même, un mot qui correspond. Saadisan. Ij'al kullan min al-kalimati al-atiyah مفعولان به واثبت اخرها دونك يفوك تو لي مو كسوا اكسبوزي ici que tu les fasses que tu en fasses des مفعولان به et tu mettes les harakat qui correspondent. طيب on va le faire maintenant inchallah ça va faire travailler les ménages. القران fais-nous une phrase avec le Coran qui soit مفعول به et je vais pas entendre les phrases précédentes ce qu'on a déjà lu. Tu veux une nouvelle phrase inchallah. حفظ الطفل القرآن. طيب. القهوة كافي. شرب عبد الرحمن. القهوة. شرب من؟ عبد الرحمن. عبد الرحمن. ما الحركات في الرحمن؟ عبد الرحمن. ما الحركات في النون؟ Le nom de Rahman, c'est quoi le harakat? C'est quoi Abdullah, comment tu dis? C'est l'Afjalala. Ah, mais c'est quoi le harakat? Abdullah. Malfark, c'est la différence. Abdurrahmani. Non, Moudafilay. Non. Shariba Abdurrahmani al-Kahwata. Non. Al-Tufayhu, la pomme. Non. أكل الطفل لا الطفل ما جابري لسه تخبزي القرآن لسه أكل بلا أكل أكل أي اسم من الأسماء أكل محمد التفاحة طيب الباب كسر الرجل الباب نعم الدرس حفظ الطالب الدرس نعم القميص القميص وسخ أسامة القميص نعم طيب maintenant il va retrouver dans le sabir il va faire une révision de الجملة الإسمية ou le jumla al-fi'liya. Et en même temps, comment s'adapte le fi'il dans ces deux phrases-là. Aïe, al-fi'liya et al-ismiya. On avait dit quoi? Que le jumla ismiya, c'est la phrase qui commence par un ism, par un nom. Et ce nom-là, c'est un Mubtada. On avait pris que le jumla al-fi'liya, tabda bil-fi'l. Elle commence par un fi'l. Masalan yakul, at-tullabu dhahabu ila al-mal'abi. Donc les étudiants ont été au terrain de jeu. At-tullabu dhahabu ila al-mal'abi a dit jumla ismiya. Naam. At-tullabu mubtada wa marfu. Dhahabu fi'l wa fa'il. Hada khabar. Tayyib. Wa ila harf al-jar wa al-mal'ab ism majrur. Wa taht ja bi nafs jumla lakin ja'ala fi'liya. En dessous, il est venu avec la même phrase, seulement il a fait en jumla fi'liya. A le même sens, seulement son statut grammatical et son i'rab il va changer. Yakul, zahaba at-tullabu ila al-mal'abi. Donc là, ce serait. Généralement, nous en français, il n'y a pas de jumla fi'liya. Tu ne trouveras peut-être quasiment pas une phrase qui comprend un verbe. Peut-être à part une question. Ouais. Sinon, en général, tu vas rarement trouver une phrase qui commence par un verbe. C'est presque impossible. On peut pas dire, par exemple, ont été des étudiants au terrain de jeu. Ça se dit pas. Donc nous, ça va être pareil. Les étudiants ont été au terrain de jeu. Voilà, la même traduction. Vous voyez, la même traduction. Ça, c'est en ce qui concerne le masculin. Donc là, Zahaba, fi'l, mardi. Vous voyez, At-tullabu, fi'l, marfou. Wa ilay, harfou jar, wa mal'ab, ism, majrour. Vous voyez, nafs, shay'en, ma'an, mouannaf. الطالبات ذهبنا إلى المكتبة. Donc là, c'est les étudiantes ont été à la bibliothèque. Donc, الطالبات, là, c'est quoi? مبتدا. هذه جملة اسمية. طيب. ذهبنا فعل وفاعل. Et le fi'l au fa'il ensemble, c'est une jumla fi'liya qui, elle, est khabar. Zahab, c'est le fi'l, et na, nous, niswa, c'est fa'il. Et les deux ensemble, ils sont khabar de talibat. Il est harf jar, wa al-maktaba, ism majrur. Et la version en jumla fi'liya, ça va être zahabat at-talibatu ila al-maktabati. Ou, si jamais tu lis, tu fais la lésion, tu fais zahabat at-talibatu ila al-maktabati. Donc, Zahabat à la fiel, Tayeb, Attol, Tatanis et Sakina, Attolibatu Fa'il, Marfou, avec la Domma, il est Harfoujar, ou Maktaba, Ism Majrour. Pourquoi c'est quand tu commences par une Jumla Fa'ilia, tu ne mets pas, pourquoi on ne met pas Zahabna Talibat? Parce que si tu fais ça, Zahabna Attolibat, Na, ça va être quoi? Nous n'y sois là, Zahabna Damir, il va être quoi? Ça va être nous. Oui, mais c'est quoi son irlab? Alhamdulillah. Y'a des quoi, salam alaikum. Ça va être quoi son irlab? Le domaine qui a le mot tassil, il fier, c'est quoi son irlab? Dans l'exemple. Il est quoi dans la phrase? Il est. Modafilei. Avec un fier? Bah, il y a là. Il est comment au Jama'a? C'est quoi le rôle? C'est quoi dans la phrase? C'est quoi le Ya'lab? Hum Zahabou. Le Waou, il est quoi dans la phrase? C'est Jama'a? C'est quoi son Ya'lab? C'est son nom. Son Ya'lab, il est quoi? C'est quoi son statut grammatical? C'est un mutada? Non. C'est un khabar? Dabou? Le waou, c'est un quoi? Ah, le waou. C'est quoi qui vient après le fia? Fa'il. Donc il est quoi? Le fa'il. Ah, il va. Zahabna, il est quoi le nounizwa? Fa'il. طيب الطالبات اللي بعدها بيت كوا ذهبنا الطالبات بيت كوا الطالبات الفعيل قبل ça se dit pas. C'est ça que tu vas comprendre là dans le ders. C'est quand tu as une jumla fi'liya qui commence par un verbe, le verbe tu vas le mettre lui au singulier et son fa'il vient après. Par exemple, tu vas dire ذهب الطلاب. Tu vas pas dire ذهبوا الطلاب. À part chez quelqu'un qui est extrêmement, qui a bien étudié, celui qui parle comme ça, il est extrêmement maladroit. ذهبوا الطلاب. قالوا العلماء. Donne-moi l'irlab là de waou, donne-moi l'irlab de l'ulama. Il pourra pas. Donc on va dire c'est ou t'as une grosse faïda que peu de gens connaissent, ou alors bah, tu connais pas ce que tu sais pas ce que tu dis. Ou tu parles à la française. Tu vois. Donc ça, ça se dit pas, à la base. Il y a une langue, tu vois, il y a une version en arabe, ça peut se dire, mais c'est rarement utilisé. Et même l'irlab, elle est un petit peu tirée par les cheveux, tu vois. Mais l'origine, c'est que les gens, ils parlent pas comme ça. Donc, quand tu vas faire une jumla fi'liya, le fi'l, il va être quoi? En apparence, singulier. Et son fa'il, il vient après. Tu vas dire, zahaba at-tulab. Même si tulab, il est en pluriel, zahaba, il va rester au singulier. Vous voyez? Tu vas dire Zahabat At-Talibatu. Zahabat, c'est comme si tu disais Hiya, seulement après, à la place de mettre Hiya, tu vas mettre le vrai Fa'il. Donc le Fi'l dans une Jumla Ismiya, ou Fi'liya plutôt, il est singulier. Il est singulier. Par contre, si tu fais une Jumla Ismiya, comme celle qui est au-dessus, At-Tulabu, Zahabu, là où Jama'a, c'est le Fa'il. Où Jama'a vient à qui? Tulab qui est Muntada. Tu peux pas dire « Toulab Zahaba, il est Maktaba ». Ça, c'est... Tu es obligé de mettre un fa'il, là. Et donc, le fa'il, il revient qui au Moutada. Le Moutada, ici, il est pluriel. Donc il voyait le muzakkar. Donc il faudra quoi? Un domir, muzakkar, voyez, wajam. Donc c'est qui? Waou jamaa. Comme si tu dis ana zahabtu. Si tu dis nahnu zahabna. Faut que tu remettes, si jamais tu mets un mutada, qui a après son khabar, son jumla, il faut que le fa'il il revienne au mutada. Donc il faut qu'il lui corresponde. Voyez? Donc ça, c'est un truc qu'il ne faut pas dire. Masalène Zahabou et Toulem. Ça, non. Rujalasna, attends, Libat. Non, pareil. Taïb Famina Nakul Kaddim El Fir, Fil Jumel Atiati Kamaw Mouaddehun, Fil Misel. Donc il dit, il veut que tu mettes le. En fait, tu transformes cette Jumel Ismiya en Firliya. Que tu places le fi'al en début de phrase. Masalan yakul al awladu sharibu al kahwata. Donc ça veut dire comment? Shariba al awladu al kahwata. Donc la première phrase, c'est une ismiya, al awlad c'est mutada, et sharibu fi'al wa fa'il c'est le khabar. Dans la phrase ismi, dans la jumla ismiya fi'liya, et ben ça devient quoi? Shariba al awladu, et awlad devient quoi? Fa'il directement. Ou le kahwata, il m'a faut le billet, dans les deux phrases. En fait, si les enfants ont bu le café. Donc tu fais pareil avec les autres phrases. On fait maintenant, Inch'Allah. Thanyen, an-nasu sami'u al-adhan. Donc les gens ont entendu l'adhan. Sami'a an-nasu al-adhana. Nam. At-tullabu katabu al-ajwibata. Les élèves ont écrit les réponses. Nam. At-talibatu dakhalna al-fasla. Donc les étudiantes sont rentrées dans la classe. Dakhalat at-talibat al-fasla. Nam. Al-mudarrisuna kharaju min al-fusuli. Donc les enseignants sont sortis des classes. Kharaja al-mudarrisun. مدرسونا ياس كاميلة المدرسونا الفصل من الفصل من الفصول من الفصول نعم زملائي رجعوا من مكة مي كامارات sont revenus de مكة رجع زملائي من مكة نعم أخواتي غسلنا القمصان donc mes sœurs ont lavé les camis. غسلت أخواتي القمصان. نعم. التجار فتحوا الدكاكين. Donc les commerçants ont ouvert les boutiques. فتح التجار الدكاكين. نعم. الطبيبات ذهبنا إلى المستشفى. Donc les médecins femmes sont allés à l'hôpital. ذهبت الطبيبات إلى المستشفى. Aïch, Aïd, Samir. Dahabat, al-tabibatu ila al-mustashfa. Nam. At-tullabu fahimu ad-darsa. Les étudiants ont compris le ders. Fahima at-tullabu ad-darsa. Nam. Wa anta minhum, inshallah. Inshallah. Tayyib. Donc là, il va sortir un jidouel, une espèce de tableau qui affirme ce qu'on vient de dire. Il dit ta'ammal al-amthila al-atiya, médite sur ce qui suit. Awalan kharaja at-tullabu wa dhahabu. Donc là regarde. La phrase est divisée en deux. Première partie kharaja at-tullabu. Kharaja fi'l. Tayyib wa at-tullabu fa'il. Thumma ashyati waw. Waw al-ataf. Et en fait pour ce qui suit derrière. Wa Zahabou. Donc là, on a une deuxième phrase verbale. Jumla ismiya fi'liya ukhra. Wa zahabou. Fa zahaba ada fi'l madi. Wa waw jama'a ada fa'il. Waw jama'a qui correspond à qui? Non. C'est pour éviter quoi? Les répétitions. Quoi que tu dises kharaja tulabu wa zahaba tulabu. C'est lourd. Donc là, tu utilises domir. Sache qu'un domir, il ne s'utilise que s'il est précédé par un ism zahir, un nom apparent. Un domir, il ne vient pas tout seul. Un domir, il doit être lié à quelque chose de connu. Par exemple, je te dis, huwa ata, tu vas me dire, man, huwa. Tu vois, c'est bien, Ouana, ça donne, mais il n'y a rien qui voit. Ah, Mohamed, t'arrives. Maintenant, je sais. Comme tu dis, il est venu, je ne sais pas de qui tu parles avant. Obligé, il faut qu'il y ait une chose avant qui éclaircisse que ce domir, de qui il parle. Masalan, Kazalik, Sanyen, Kora, At-Tullabu, Wakatabu. T'as donc là, encore la fois, en deux parties. Kora, At-Tullabu, Kora, Firmadi, At-Tullabu, Fa'il, Wakatabu, Waw, Al-Atuf, Wakatab, Adafirmadi, Wawal Jama'a, Fa'il. Donc là, comme je dis, on ne répète pas la chose. On dit, on redit pas Kara Tullabu, Wakataba Tullabu. On met directement le Damir, Muttasil, qui est le Fa'il, qui revient ou quoi, au Fa'il qui est devant le Waw. Car c'est la même personne. Il y a même la même chose. Comme tu dirais toi, les étudiants ont lu et ils ont écrit. Tu ne peux pas dire les étudiants ont lu et les étudiants ont écrit. C'est lourd. C'est pareil en arabe. La répétition, c'est lourd. C'est pas éloquent. Akala nasu wa sharibu. Donc les gens ont mangé et ont bu. Donc là, akala firmardi, anasu fa'il, waw, al-ataf, wa sharibu, sharib firmardi, waw, jama'a fa'il. Wa al-waw yarji'a ila man an-nas. Tayeb. Maintenant, on le fait avec le muannath, مثلاً. Fais-moi la même phrase, kharajat tullabu wa zahabu, avec le muannath. Kharajat at-talibatu wa dahabna. Naam. La deuxième. Qara'at at-talibatu wa katabna. Wa katabna. Wa katabna. Naam. Thalithan. Akalat. Dis-ni ça. أكلت النساء أكلت النساء si tu fais la liaison أكلت النساء وشربنا ري وشربنا نعم وشربنا donc c'est pareil c'est la même chose طيب يقول كون جملا مثل هذه مستعملا الفعلين الواردين في كل تمارين مستعنيان بكلمات التي بين قوسين. Donc il dit que tu fasses des phrases en utilisant les deux verbes exposés et que tu t'aides des mots qui sont entre parenthèses. Tu fais comme ce qu'on a fait là. Alors, dakhala at-tullabu. Naam. Wa jalasa. La. Jalasu. Naam. Non, donc les étudiants sont rentrés et se sont assis dans la classe. Daraba al-awladu wa qatalu al-hayyata. Non, donc les enfants ont frappé et ont tué le serpent. On dirait plutôt nous, les enfants ont tué le serpent et ont frappé le serpent et l'ont tué. قرأ الطلاب الدرس الدرس و on va le mettre après parce qu'on n'a pas encore programmé. وفهموا الدرس نعم قرأ الطلاب وفهموا الدرس. سمع الناس الأذان نعم وذهبوا إلى المسجد نعم. Non, en fait tu peux dire au début قرأ الطلاب الدرس Wafaimu. Tu peux dire aussi. Dès qu'on a besoin d'un mire, comme cela va venir après. Mais la phrase, elle est. Tu peux la dire aussi. Nam. Ashiran. Kawin jumalen mustamalen kelimat il atiya. Donc il veut que tu fasses des phrases en utilisant les mots qui sont là. Wahada sayakun inshallah fil bayt kazalik. Il a besoin de tafkir et tajiz. Faut que tu te prépares et que tu réfléchisses. Akala marlou, c'est manger. Rasala marlou, c'est laver. Qara'a, c'est lire ou réciter. Kataba, écrire. Daraba, taper. Qatala, tuer. Dakhala, rentrer. Kharaja, sortir. Hafiza, mémoriser. Shariba, boire. Fahima, comprendre. Samia, entendre. Tous les verbes, tu les connais, je pense. Tayyib. Hadi Achar. Ta'ammel mayali. Mais dites ce qui suit. En fait, là, c'est la même chose. C'est que le maful bihi, sauf que cette fois, ça veut dire quoi? Un damir muttasil. Là, avant, on a pris quoi? Maful bihi, c'est un isme zahir, un nom apparent. À part. Daraba, el waladu, طيب الحياة l'enfant a frappé le serpent. Enfin maintenant, on peut changer la chose pour que le maf'oul bihi soit un damir. طيب donc je veux dire comment si jamais le damir il vient muttasilan c'est un maf'oul bihi, tu veux dire quoi darabaha et là le ha il revient à qui haya serpent et lui il est maf'oul bihi donc là c'est un damir mathalan yakul man fataha al baba qui a ouvert la porte. Voilà, ma foule bi, il est où? Où? Là, mal fataha al baba. Et là, ma foule bi? Ah, al baba. Al baba. On va changer le baba, on va faire en sorte que ça vienne à quoi? Un damir. On va dire, ana fatahtu hu. Et hu, il revient à quoi? Un bab. Non. Pour pas encore faire la répétition, dire, ana fatahtu al baba. Qui a ouvert la porte? C'est moi qui ouvre la porte. Non, c'est moi qui l'ai ouverte. Comme dans notre langue, ça se dit pareil. Enfin, notre langue, leur langue, enfin. Man fataha al nawafiz, qui a ouvert les fenêtres? Donc LN, Aina al mafoulubi? Al nawafiz, les fenêtres. En fait, pour le mettre en domir, tu vas dire, quand tu vas répondre, Ana fatahtuha. Taïeb, fauna la ha, domir muttasil, c'est un domir muttasil, et c'est le mafoulubi. Il revient à quoi? Nawafiz. Comme je t'ai dit, un domir, il vient toujours précéder d'une chose qu'il éclaircit avant. Il y a toujours une chose qu'il explique, qu'il interprète avant. Il ne va pas tout seul. Là, ça donne un coup de lac. T'as coup de chasse. Hel, hafista le Qur'an. Il va te dire, nam, hafistuhu, ou la, ma hafistuhu. Yep. Ou le hu, yarjia il mada, al Qur'an. Ou kazalik, t'as coup, man, akala, al khubza, qui a mangé le pain, va dire ana akaltuhu. Enfin, le roux va revenir à quoi? A khubz. Ainsi de suite. Et si c'est un féminin, comme nawafi, ça va être ha. Taïeb. Maintenant, il dit et kalimat il jadida. Les nouveaux mots. Al inab. Raisin. Non, raisin. Jawab. El jam ajwiba. Réponse. Réponse, non. Hayatun, jam hayat, ça c'est serpent. Hayatun, c'est un serpent. Kafikul ta'ala, faizaye hayatun tasha. Et tout d'un coup, elle est un serpent qui gesticule, je ne sais pas. C'est qui ce mot ça? El mouz. C'est quoi le mouz? Banane. Banane, non. Su'al. Jam as'ila. Question. Question. Samia, ça c'est un verbe. Entendre. Entendre. At-tin. L'argile. Là, c'est pas tin avec le temps. Comme le swat. Wattini wa zaytoun, watoulissini. Figuier. Non. Al-baqalu, c'est l'épicier. Fahima, Adafia, qui veut dire comprendre. El Fajr, c'est l'aube. El Asa, bâton. Shariba, boire. Non. Donc le Khulasa du Dars, c'est qu'aujourd'hui on a pris maf'oul bihi. Vous voyez, on a dit c'est. C'est le nom mansoub sur lequel se produit l'action. Et il peut être ism zahir, ça peut être un nom apparent comme مثلاً daraba al walad al hayata. Donc la hayata il peut être ism zahir mafoubi ou daraba ha damir. Il peut être ou ism zahir ou un damir muttasil. On apprend aussi comment formuler une phrase avec les jumla ismiya ou fi'aliya, que lorsqu'on fait une jumla fi'aliya, le verbe il vient au singulier, le sujet vient après. Là, on te dit zahaba at-tullabu, et non pas zahabu at-tullabu. Tamam? Voilà. Elle a des questions? Non. طيب فنكتفي بهذا ونقول الحمد لله رب العالمين